exatamente com o sinal horário das 6 da tarde a dar início a esta posse interessante, porque há praticamente 2 anos António Costa tomava posse às 16:02. Eu arrisco-me a dizer que Luís Montenegro vai tomar posse daqui a 2 minutos praticamente. Portanto, estas cerimónias, aqui está. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, prêt pour recevoir donc 2 heures de métal en fusion pour vous décrasser les oreilles? Bah, bien sûr. Et ce soir, bah, je vais vous gâter de 4 nouveautés. Et puis ce soir, ça va être une émission où il y aura beaucoup de choses très épiques, c'est-à-dire des longs morceaux qui partent dans tous les sens, enfin voilà. Et puis comme toutes les semaines, j'essaie de faire un petit survol sur un peu tout ce qui s'est passé. Donc on va se faire une rap pour tous les goûts. Vous connaissez l'émission, bien sûr, sinon vous ne seriez pas devant votre transistor chez vous. Ou sur Internet, c'est vrai que je parle de transistor, c'est vrai que je suis un vieux con qui a encore de vieux appareils. Eh bien, si vous voulez, on va commencer très punk avec une des nouveautés de la semaine dernière. C'est le premier album de 51 qui s'appelle Love Hate. Et on va voir ce qu'il y a dans leur tête, puisque le morceau de ce soir, c'est In My Head. Endless Game, extrait de Full Speed Ahead, le dernier album de Dirty Fonzie. Dirty Fonzie qui sera en concert vendredi soir en compagnie de Poésie Zéro ainsi que des Shérifs à l'Astrolabe vendredi soir donc à Orléans. Ça promet une belle soirée punk bien sympa. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Juste avant Dirty Fonzie, 51 et leur premier album Love Hate, c'était In My Head. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la semaine. Alors, je sais, c'est sorti il y a quelques mois, puisque ça date du mois de décembre, mais je viens juste de me le procurer. Mais malgré tout, ça reste quand même toujours d'actualité, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment. C'est le CD-DVD de Orphaned Land, le groupe israélien qui s'appelle A Heaven You May Create. Donc tout un programme qui est donc là pour célébrer leurs 30 ans de carrière à Tel Aviv. Alors le concert aurait dû avoir lieu normalement en 2020, c'était prévu, c'était planifié, seulement bon ben voilà, le Covid a tout foutu par terre. Et du coup, en 2021, ils ont eu l'occasion de refaire ce concert comme très spécial, où le groupe était donc accompagné d'un orchestre symphonique, plus toute une chorale, ce qui faisait en tout plus de 60 musiciens additionnels. Et c'est clair que si vous avez déjà vu Orphaned Land en concert, c'est très bien, mais le fait qu'il y ait des samples, moi ça me gêne beaucoup et ça me manque de chaleur quelque part. Or que là, vraiment avec l'orchestre, ça amène vraiment quelque chose de beaucoup plus grandiose. Ce qui est un peu le cas aussi, par exemple, du live de Rotting Christ, qui avait été enregistré à Mexico il y a quelques années et dont l'orchestre va vraiment apporter quelque chose sur ce style. Puis Orphaned Land, qui est vraiment un groupe dont le propos, c'est de la paix, tout ça. Et quand on sait tout ce qui se passe en ce moment entre Israël et Gaza et compagnie, je pense que, voilà, c'est... Malheureusement, ce qui se passe là-haut, c'est, reste toujours dramatique. Alors, le problème qu'il y a, c'est le DVD. Eh oui, vous connaissez mon côté chicaneur. Au niveau du DVD, par contre, c'est vrai que l'événement avait été enregistré et filmé en direct pour être diffusé via Internet. Et du coup, certains plans sont un petit peu zarbi quelque part. Il y a des fois des images qui me manquent de netteté. C'est parce que c'est bon, ça a été fait vraiment à l'instant T. Et je pense que si ça avait été vraiment fait dans l'occasion de vouloir faire un DVD, je pense que voilà, il y aurait eu un montage qui aurait été certainement des fois un petit peu plus judicieux. Par contre, ce qui nous intéresse ici dans Electric Shock, c'est le son. Ben, y a rien à redire. L'orchestre se fond à merveille avec le groupe. Il n'y a pas de lézard. Donc ce soir, un morceau épique de ce CD-DVD sorti fin 2023, c'est The Storm Will Rage Inside. Magnifique ce live de Orphan Headland avec l'Orchestre Symphonique plus les chœurs. Extrait donc de Heaven You May Create 30th Anniversary Live in Tel Aviv. C'était The Storm Still Rages Inside. C'est vrai que quand on pense au début death metal des deux premiers albums, Sahara et Elnora Alila, on en est très très loin, même si ces deux albums, je trouve, restent, gardent toujours leur pertinence et restent, pour moi, sont toujours quand même excellents. Donc voilà, c'était la première nouveauté de la semaine. On va continuer toujours en live avec les légendaires Motorhead et on va revenir une fois de plus au fabuleux coffret The Lost Tapes The Collections volume 1 à 5 sorti fin février. Donc un coffret contenant 8 CD et 5 concerts complètement différentes tournées. Là, on va aller faire un petit tour à Madrid en 1995 où Motorhead était là pour célébrer leurs 20 ans de carrière. Et en même temps, c'était la sortie de l'album Sacrifice, une tuerie. Et d'ailleurs, c'est le morceau qui donnait son titre à l'album qu'on va s'envoyer tout de suite maintenant. It's called Sacrifice! I'm The Name of Tragedy, ça c'était extrait du volume 5 du coffret The Lost Tapes de Motorhead, enregistré donc à Donington le 13 juin 2008. Juste avant, c'était Sacrifice, toujours du même coffret, mais extrait du volume 1, qui était donc extrait donc du concert du Madrid du 1er juin 1995. On va rester toujours dans les légendes du métal, puisqu'on va revenir au nouvel album de Judas Priest, sorti début mars, le Invincible Shield. Judas Priest qui sera en concert lundi prochain avec Saxon en première partie. Et quand on sait que sur certaines dates allemandes, eh bien, il y avait Uriah Heep en plus, c'est un petit peu dommage que bon, bah, Uriah Heep ne soit pas là à Paris le lundi. Enfin, espérons qu'à la place, Saxon nous délivre un show un peu plus long. Enfin, ça, on en saura plus à ce moment-là et ben, je pourrais vous raconter ça mardi prochain. D'ailleurs, mardi prochain, ne ratez pas l'émission puisque ce sera une émission spéciale consacrée donc au Creekfest, dont ce sera la troisième édition, le Creekfest où il y aura Sortilège qui sera tête d'affiche en compagnie de Elixir et de Prisma. Mais bon, ça, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Donc, extrait de cet album de Judas Priest, c'est le morceau qui ouvre et je crois que ça ouvre les concerts, c'est le fameux Panic Attack. C'était le quart d'heure des légendes. Ce quart d'heure des légendes vous était offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Vous aurez reconnu, bien sûr, les légendaires saxons avec leur dernier album Hellfire and Damnation qui est sorti en début janvier et qui est vraiment un super album. Enfin, comme c'est toujours le cas depuis plus de 20 ans maintenant. C'était Supercharger et Saxon qui sera d'ailleurs en special guest de Judas Priest lundi prochain au Zénith à Paris. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement, juste avant Saxon, c'était Judas Priest, bien sûr, avec un extrait du dernier album tout chaud, tout bouillant, Invisible Shield, c'était Panic Attack. Et bien maintenant, on va changer complètement de registre avec la deuxième nouveauté. Je vais vous emmener découvrir un groupe qui nous vient de Toulouse, qui existe depuis 2019. Et dont c'est déjà le troisième album, alors avec le groupe Carcara. Donc cet album qui s'appelle All Is Dust, qui est sorti le 22 mars dernier. Alors c'est un groupe de rock psychédélique. Alors on peut dire que c'est un mélange de King Crimson, de Black Sabbath, moi je dirais un peu de Hawkind. C'est pour vous dire quand même que c'est extrêmement barré quand même par moment. Et alors Carcara, c'est que sur cet album, nous raconte une histoire post-apocalyptique, conceptuel. Ça se passe dans un univers complètement dystopique. Ça se passe dans un futur où il n'y a plus rien parce que l'homme a complètement épuisé la planète. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien du tout. Donc du coup, la société est complètement disloquée. Il y a des bandes de barbares qui se massacrent les unes les autres. Et puis il y a quand même quelques gens qui arrivent à se sortir plus ou moins en vivant en tribu. Et ça nous raconte l'histoire d'un de ces individus qui vit en tribu, qui rêve d'autre chose et qui part à la recherche d'une ville qui aurait été épargnée, où il y aurait encore abondance et une civilisation. Cette ville s'appelle Entropia. Et en même temps, les gens de la tribu dont ils font partie, ils le recherchent pour lui faire la peau, parce que il est parti en emmenant des victuailles, des médicaments, des fringues, ce genre de choses. Et comme c'est des choses qui sont maintenant très rares, voyez ce que ça peut devenir. Enfin bref, tout ça c'est... Wow, vous dites, ça va nous emmener très très loin. Et je confirme avec le morceau qu'on va découvrir ce soir qui s'appelle Monoliths. vous l'avez dit, là, on est parti vraiment très très loin. Avec la, donc, la deuxième nouveauté de la soirée, le troisième album de Carcara, All Is Dust, c'était le morceau Monolith, un album conceptuel post-apocalyptique. On va continuer aussi avec une légende et puis là aussi du épique. C'est le nouvel album de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, qui vraiment est une belle réussite et vraiment un des coups de cœur d'Electric Shock. Bruce Dickinson qui sera en concert, lui par contre, un peu plus tard, le 26 mai prochain à l'Olympia. Ben, n'essayez plus d'avoir des places, c'est complet, archi complet depuis un petit moment. Et pour ceux qui iront au Hellfest, ben, ils auront l'occasion de l'applaudir aussi à ce moment-là. Par contre, je pense que le concert sera un peu plus court vu qu'il ne sera pas tête d'affiche. Morceau épique aussi donc de cet album maintenant. Là, c'est le... Qu'est-ce que je vous ai choisi ce soir ? C'est Shadow of the Gods. Against the sun. a vraiment que du bon sur cet album de Bruce Dickinson, The Mandrake Project. D'ailleurs, c'est pas pour rien à mon avis que le concert de l'Olympia est sold out. C'était Shadow of the Gods. Eh bien, on va se faire maintenant une nouveauté encore, la troisième. Et là, je vais vous emmener à Bordeaux découvrir le groupe Persona Non Grata, qui a sorti son premier EP là, fin février, EP éponyme. Alors, quand on écoute Persona Non Grata, on pencherait plutôt à être de retour dans les années 90, ce mélange de rock fusion à la No One Is Innocent, Watcha, ce genre de choses. Alors, il y a des chansons en français, d'autres en anglais, enfin, bref, c'est tout à fait dans ce style, et ça fait quand même du bien de se replonger un petit peu là-dedans. Avec, par exemple, on va découvrir le morceau que ce soir, c'est Split. I don't know. Real love. Real love. Real love. Real love. Tagada Jones, donc, qui célèbre ses 30 ans de carrière avec un best-of, avec des morceaux de toutes ces périodes réenregistrés et un inédit. C'était l'inédit ce soir qu'on vient de se faire. C'était Le Poignard, donc extrait de l'album TRNT Best-of 1993-2023. Et Tagada Jones qui sera en concert à l'Olympia le 1er juin prochain. Juste avant Tagada Jones, eh bien, venu de Toulouse, Persona non grata et son premier EP, c'était le morceau Split. Eh bien, on a attaqué déjà la deuxième heure d'Electric Shock, puisqu'il est déjà plus de 20 heures. Et ben, je pense que les amoureux de black metal vont être ravis, puisqu'on va revenir à l'album de Griffon des Republica. Et on va se faire quoi ? Ben, devinez le morceau qui donne son titre à l'album des Republica. Thank you. Ce petit moment de douceur vous était offert par Electric Shock. Electric Shock qui est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'était Griffon avec Te Republica qui d'ailleurs donne son titre à son dernier album. Et bien maintenant on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Avec quelque chose qui a encore 15 jours, je ne savais même pas que c'était sorti. Pourtant, c'est un groupe que j'adore, mais bon, il faut dire que leur actualité est quand même plutôt réduite. C'est le groupe américain Tesla qui vient de sortir un live, enfin qui vient de sortir. C'est sorti au mois d'octobre, mais j'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps grâce à un de mes amis de Grenoble à qui on échangeait par mail et qui me disait qu'il écoutait en ce moment le live de Tesla. Alors du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai pu me le procurer récemment. Surtout que c'est pas évident, car ce live, c'est vraiment une autoproduction née sur aucun label. Alors, il a un défaut, ce live, c'est qu'il est trop court, parce qu'il ne contient que 10 titres. Enfin, il contient donc 9 titres live, un titre studio qui est une reprise d'Aerosmith. Sinon, le live est plutôt sympa, car il y a des titres assez rares, voire même inédits pour certains. Donc, celui-ci a été enregistré en 2022. Il s'intitule « Full Throttle Live ». Et bien pour ce soir, on va se faire deux extraits. Tout d'abord Breaking Free, qui était sur Forevermore, sorti en 2008. Et puis un classique un peu plus ancien, dont ça fera toujours du bien de se rappeler au bon souvenir. Donc, quatrième nouveauté, Tesla, tout de suite, maintenant. Est-ce que ça fait du bien de réécouter ça? Call It What You Want, classique de Tesla qui à l'origine était sur l'album Psychotic Soper sorti en 1991. Et juste avant Breaking Free, tous deux extraits de l'album Live, Fruitful Live, sorti fin d'année dernière et qui est vraiment une belle petite réussite comme toujours. Et bah Tesla, ce serait peut-être bien qu'il se rappelle à notre bon souvenir et nous sorte un nouvel album puisque le dernier Choc date quand même de 2019. Et c'était la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Bah maintenant, fini la Californie, allons faire un petit tour en Bretagne et retrouver le nouvel album de Slaves of Imperium, New Waves of Cynism, avec ce mélange de trash death. Ce soir, allez, on va se décrasser les oreilles avec le morceau Parasites. We'll be right back. Parasites, extrait donc de New Wave of Cynism, c'était donc Slaves of Imperium. On va rester toujours dans l'Hexagone, mais maintenant de la Bretagne, on va faire un petit tour vers Clermont-Ferrand. Retrouver l'album de Camelto, qui était une des nouveautés de la semaine dernière, Scotoma. Et Camelto, donc, qui évolue entre hard rock et heavy metal, avec des choses très intéressantes, comme ce morceau très sympa qui s'appelle La plus grosse. Aujourd'hui, dans notre rubrique Talents de nos régions, Jean-Guy Paco et Benoît Giraud nous emmènent à la rencontre d'un entrepreneur d'un nouveau genre. C'est rue des Deux Ponts, dans le 4e arrondissement de Paris, que nous retrouvons Stéphane devant chez lui. À l'aise avec nos caméras, il veut que nous visitions sa nouvelle acquisition, un appartement de 300 mètres carrés. Yeah! votre jeunesse ne le prendra pas non plus en exemple. Le ragondin peut-il être un bon animal domestique? Jean-Louis Bire, président de l'association Ragondin Mon Copain. Vous aurez reconnu le classique d'ADX, Les Enfants de l'Ombre, mais là c'était donc Malédiction sur son album Condamné. C'était donc sur la réédition donc récente, qui est sortie là, récemment sur le label Steel Shark. Donc vous avez eu droit à la version donc remixée en 2021. Et c'est un double CD aussi qui contient donc des extraits live enregistrés en 2001, des remixes 2015 et la fameuse démo de l'an 2000. Je crois qu'il devrait rester encore des coffrets avec vinyle, plus la bio, avec le livre, avec plein de photos inédites si vous êtes fan, plus des t-shirts. Enfin, allez faire un tour sur le label Steel Shark, vous saurez un petit peu plus ce qu'il y a encore parce que c'est quand même une édition très très limitée. Juste avant Malédiction, c'était Camelto et son album Scotoma, et vous avez le gros morceau, La Plus Grosse. Maintenant, on va changer de registre avec un mélange de stoner et de doom avec le EP de Greyborn Scars, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on va se faire le morceau qui donne son titre au EP. Reborn avec Scars, un extrait donc du EP, donc du même nom. On va continuer aussi toujours avec l'album de Polaris, Cosmic Singularity, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc un mélange de heavy metal, de thrash, de death, de progressif, enfin bref, un groupe inclassable. L'album c'est Cosmic Singularity, oui je vous l'ai dit. Et ce soir, allez, on va se décrasser les oreilles avec Back to War. Back to War, extrait de Cosmic Singularity, c'était Polaris. Oh là, on a très peu de temps, donc sans plus tarder, on va terminer avec l'album de Mick Mars, l'ancien guitariste de Motley Crue. On va se faire Ready to Roll avant de passer le créneau à Electro Live. Ready to Roll de Mick Mars, voilà donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette émission. Alors ne ratez pas la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure durant l'émission, puisque nous aurons comme invité Chris du Creekfest qui va nous parler justement de cette troisième édition qui aura lieu donc samedi 13 avril avec Sortilège en tête d'affiche. Donc ne ratez pas ça parce qu'il y aura peut-être la chance d'avoir une interview en direct. Mais chut, je vous ai rien dit. Bon bah Electric Shock, c'est fini, mais la musique continue toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Place aux amis Nightclubbers avec Electro Live. Je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a concocté ce soir, bah on va lui demander. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer ce soir, nos auditeurs? Un classique os ce soir. Vous connaissez Cleveland? Cleveland, aux US. C'est une ville mythique pour la création de la house music. Donc ce soir, c'est une spéciale House of Cleveland. Donc, on va voyager sans quitter notre fauteuil, ce que je dis. Ça, c'est la magie de la radio. C'est ça. Donc, allez, go to Cleveland avec Electro Live.